Jean-Claude Moinot, poema escritura, grabado por el autor y publicado en la revista Approach, número 4, marzo 69. Deuxième mouvement. Vous allez entendre le son de différentes écritures. Essayez de réécrire les textes, vous allez seulement entendre le son en employant les mêmes moyens. À la plume. À la bombe.